J'aimerais savoir qui est au courant des répercussions que pourront avoir les technologies modernes sur nos organismes et sur le monde qui nous entoure. Ok, c'est fort pratique, ces milliers de satellites paraissant lancés sur orbite. Ces ondes qui nous transpercent, four, mobile, internet, induction, radio, GPS, mais tellement de données restent incertaines. Sans cesse on met au jour des choses que l'on ne maîtrisera que des années après quand il sera déjà trop tard. Et on se renvoie la balle, trimballe aux carcasses gavées d'OGM, l'oreille collée au GSM, les poumons remplis de mauvais air. On use et abuse, abonné au luxe, on consomme, sans vergogne on gaspille, offrande à la technologie. Et c'est dans une grimace d'acteur, de sitcom pourri, nos petits yeux s'écarquillent quand par hasard on se prend dans le pied, une simple écharpe venue tout droit de l'envers du décor qu'on faisait mine de ne pas voir. Bien au chaud dans ces cocons qu'on s'habitue à habiter. On fait de moins en moins d'efforts pour éviter de s'égratigner. On ne sait plus rien faire par nous-mêmes, génération d'assistés. Quand tout ne va pas comme planifié, on se met à paniquer. Avale des avalanches de remèdes pour toute bricolade de balles. Sans différencier si gratte ou pique. Et puis ce qui fait mal, j'allume la télévision vers l'évasion bon marché qui permet de faire abstraction de cet horizon ombragé. Je me laisse tranquillement emballoter, balader. L'esprit en mode veille car ici tout est prémâché. Je manque d'action, d'idées, de dogmes et je dors mal. Je manque de rêves donc on m'en donne. Quoi de plus normal, tous les jours j'entraîne ma trogne, on veut que j'essaye des vêtements. On me conseille de l'eau de Cologne, des crèmes, des traitements. Et soi-disant que c'est pour mon bien, pour que je me sente mieux. À ce qui paraît dans cette vie, mieux vaut être en vie et qu'en vieux. La science d'un mauvais œil, même si elle accélère notre route vers les écueils. Car comme toute chose qui sert l'homme et ses ambitions, elle est sujette à la frustration, l'avidité ou la compassion. On condamne indûment ce qui n'est que l'instrument d'une politique imprudente, tant elle est imprudente. Où le rendement immédiat et les intérêts monétaires priment sur la durabilité à une échelle planétaire. Le culte du profit de la réussite est inconséquent, si bien que nous nous repaissons de nos propres enfants. Car il est absolument meurtrier, au vu de la démographie, de vivre au-dessus de ses moyens, sauf pour l'hémorragie. La croissance est une tumeur cancéreuse pernicieuse qui nous est vendue de façon délicieuse et vicieuse. Car la production n'est autre qu'une forme de destruction, et le soi-disant progrès est une féroce aliénation. Au nom de ce progrès et d'une économie libre, les peuples du monde entier perdent l'identité et l'équilibre qu'ils avaient avec la nature. La différence se rature, le démuni est en pâture, le marché fait dictature. Ce que l'on croit avoir du pouvoir, non, pas de marge de manœuvre. Le système économique a sa loi propre qui échappe à la leur. Les transactions sont dirigeantes quand l'individu est pris entre spéculation et dividendes. Se rendre compte de l'évidence devient acte de dissidence, mais rien n'est constructif. Nos actions compulsives et le monde est convulsif. On fonce droit dans le précipice et ce n'est pas du pessimisme, car il n'y a rien de plus triste, pathétique et défaitiste que de ne pas réaliser l'étendue des dégâts. Nous sommes à la solde d'un ensemble qui nous dépasse et nous écrase. L'anonymat nous élude, et malgré la multitude à laquelle les technologies donnent accès, on souffre de solitude.